Allez oublier, tiens vous le rappeler. Qui te respire, et ouais percer, on le voudrait. Prier, avoir des billets, tout en restant vrai, tout en restant vrai. K-A-Z, K-A-Z. Dans cette vie, trop de choses qui mettent la rage. Malgré tourner la page, sortir les frères en cage. Dans cette vie, on a le sens du partage. On esquive les naufrages, on fonce dans les virages. Dans cette vie, oui, notre but c'est pas la survie. Car on est que de passage, hey. Partout c'est la zermie, partout c'est pareil. Les réactions de certaines personnes et non pas les actions d'autres personnes. Je comprends pas comment est fait ce destin. Car on se bouffe tous ensemble et puis on meurt demain. Ils m'ont déçu, m'ont peut-être trahi, ont caché du sourire et n'ont pas fait détenter la gâchette. Je n'ai pas été tenté du chétal. Je dis ça, mais après tout, j'ai même pas que. Regarde la haine où elle emporte. Comme elle devient si importante. Quand la jalousie l'emporte. Quand les mots dépassent les pensées. Quand on est agacé. Quand on sait plus qu'on dit où on est. Quand on sait plus quoi faire. Qu'on panique, on est en galère. Ils m'ont déçu, pas le cas de ma haine. Être un modèle pour ma petite sœur. Ma soirée modèle, moi je traîne presque seul. Stress que je m'en fous de la sœur. Tant que j'ai ma mère, mon père. De plus en plus le rap maker. Voir ce qu'il fait autour du rappeur. La jalousie des pleurs, la haine envers mes frères. Que je défendrai jusqu'à la mort. Sans savoir, avec moi, je serai avec toi. Mémoire, mémoire, réponds moi. Dis-moi ce qui dit sur moi. K-A-Z, en réunion, une histoire de droit. J'ai des lacons qui tombent pour crime qu'on pue. Et guet-apens sur un vrai coup de tête. C'est bon enfant, une envie de meurtre. En réunion, voilà l'histoire de droit. Petit délinquant qui tombe pour crime qu'on pue. Et guet-apens sur un vrai coup de tête. C'est bon. K-A-Z, c'est mon nom. J'oublie pas tous ces moments où on se battait trop souvent. Quand on vidait la banque alimentaire, elle fout ton été imbattable. Fait que l'argent la repasse et ça part direct dans les caisses. C'est pour un pop, pop, car Pokémon, mais bon, y'a comme un problème, un bémol. Les bagarres, les emmerdes qui ont fait pleurer ma mère. J'voulais vite j'y mettre un terme, car j'étais trop infernal. J'savais que ça allait faire. K-A-Z, K-A-Z, K-A-Z, K-A-Z, K-A-Z, K-A-Z, K-A-Z, K-A-Z. La cause des poires, les attend. L'effet d'une boîte, boîte dans l'attente. L'effet d'une boîte, boîte dans l'attente. La cause des poires, les attend. Ça arrive, c'est souvent quand le site attend. L'effet d'une boîte, boîte dans l'attente. Tu verras. Avec un même affamé, non viens avec moi. C'est le hell le roya. J't'apprendrai la Sarah et puis toutes ces sourates. K-A-Z, ma mère, je me démène de mes soucis, de mes emmerdes. Je me relève, je suis trop fier pour demander de l'aide. Et j'ai pas honte de sortir d'un putain d'HLM. Dans un bloc, on est tous les mêmes. En ton island ou à Témis, tout est permis. Rien n'est interdit, même dans ma mère. J'répète mon prochain, j'aiderai mon prochain. J'tendrai la main à ceux qui en ont le plus besoin. J'suis seul dans ma mère, dans les soutiens d'un tel. On n'a pas les buts de Pedro Terdala. Ça vient de Marseille, un 3 sorti des favelas. On est là, hélas. Contre frais dépouillés, on dépouillé, on goûte le carrelage. K-A-Z, K-A-Z. Sachez que j'fais mon truc, du reste m'en fiche. Tant que les potes que j'apprécie kiffent. C'est ce que j'aime et ce qui fait la diff. Pour la mif, pour la mif, j'reste vrai. Car c'est de là que je m'agris. Frère, frère, pourquoi faire des barres? Car comme l'indique le thème, c'est de là que j'parle. Niquer les jaloux qui parlent. Frère, que dans mon dos, hé, hé, hé, loutre. K-A-Z. Impossible de passer au karcher. Un truc qui te découpe à la machette. Si tu hèles pas du cachet, tu pas du rabâché. Ah ouais, découpe le hachis. Je sors d'un rouge du violet. Ah ouais, K-14 balai. Et les jaloux c'était jamais. Cramé dans le tunnel. Découpe les rimes à l'opinel. Calcule le gramme de la résine. S'il mesure à la menuisier. Vend des barrettes de gauche à droite. Pour faire son billet. On l'a tous fait. Voler, casser les couilles. Mister K-A-Z, M-A-L. Crash les douilles. Ah, comme admirable, adorable. Tu es un sbar, donne des ordres. Au putain de caporal. K-A-Z. Ouais, c'est Kachman, ça fait mal. Ça fait longtemps qu'on m'attend, depuis qu'à départ. T'as kiffé, et le haram, lui, j'suis seul dans ma merde. Ni ma mère, demande à ma zé, et Bader, qu'on griffe la prod, on bilait. C'est ça, gars, depuis longtemps, croya, on veut pas briller. Ah ouais, tu sais, on reste vrai. Mandat tout fixe, loin Virgin et l'Afna. On leur met une disquette, oui, bah, te casse. Si tu briras, on finira pas, casse pas. On débarque et met des clats. Trop d'hypocrites qui nous attendent d'autres tournants. Et trahiront pour un billet marron. Dans leur tête, ça tourne pas rond. Sans reste caral, et ainsi nous écoutent. Et prennent harba. K-A-Z, A-Z. Au mic, moi j'assassine. Nique l'assassin. Nique sa mère et les jaunes. Pour des petits larcins. Si on braque la caisse, tu nous files la recette. J'suis de retour, cousine, comme coaching d'NTM. Je demande pas pourquoi je rappe ça. Demande pas pourquoi je rappe ça. J'rappe pas pour plaire aux fans. Ni pour plaire aux fans. Si ça marche pas, j'emballerai des stupes. Donc du cellophane. Si j'y réussis pas, ça sera direct. Nos bras, quelques potes qui soutiendront. Te prendront le large. De toute façon, j'm'en fous. Moi, je compte que sur Rima. Centre-ville, l'Amazon. Faut que ça fasse, brrr, faut que ça fasse. Bang, bang, ouais ma gueule. Parle pas gueule, sur ta tente, y'aura meurt. Qui pour ça, boulay. Mais c'est quoi ça, on défouraille. Puisque le par ça, il me faut des milliards. Oh yeah, ça fait mal, aïe, si tu casses. Ça, ouah, ça fait clic, clic, clac, clac. Écoute ça, ouah, regarde. Les malheureux feront par les deux. Les haineux, les jaloux, les rageux. On croise leurs trous avec nos pis. Le sapin de One Kenobi, y'a pas d'embrouille. Ni d'embrouille, ça passe des loges pour artistes. Oh oh, chol pour bandit. Wesh mon rey, reste tranquille. Centre-ville, on fait pas de guiri guiri. On guiri guiri guiri. K-A-Z. Et bande de l'enchère. Everybody get up. Je vais charger le famas. Et éteins toutes tes petites lopes. C'est qui ont parlé mais n'ont jamais rien fait. Ça peut t'arriver. Je dis la vérité. Quelqu'un a osé. Tout le monde a frigé. Le max ça l'a kiffé. Dans le haram ça l'a promotionné. La lumière s'allume quand tout s'éteint. Tu dois affamer. Ragoulé et sans frein. Rien que bousillé. Je vois les bâtards qui veulent me usiller. Qui veulent me fusiller. Les phrases tu les connais. Tout pas le gros bonnet. Le famas s'est chargé. Sur le deuxième couplet. J'ai l'air tous votre décès. On veut tous vendre décéder. Vous pouvez tous lâcher. Vous pouvez tous parler. Mais jamais vous me baiserez. Moi je vous le dis d'entrée. Je viens tout charger. Je viens tout piller. Terminé. Nous on cherche la monnaie. Rire. On veut se faire pardonner. Parce que les famas sont des fourrailles. On arrive au mic et on s'installe. Terminé. Nous on cherche la monnaie. Casse-moi les bras verts, la tête plus dure que le parterre. Les autres hommes s'y sont des à taille et t'as les parterres. On prend le mic et la barre de fer. On monte d'un niveau, nous ça on sait faire. Puis les petits cons baissent d'un ton. On arrive, on nique tout et on bouge. Nous frères on a pas le temps. Y'a tout à gagner, plus rien à perdre. La danse des skis, c'est deux pas à gauche, un pas à droite. Et ça tire en l'air, on joue pas les fous nous. On repère les fous nous, on arrive déterminé. Au micro nous, espèce mimo. On est tous perchés dans les airs. Dans le haram, faut commencer à faire la Sarah. K-A-Z. Les jeunes d'aujourd'hui font partie de la génération des plus vicieux. Que Dieu nous pardonne. On fait pleurer nos darons. Le monde de ton parent. On fait du mal à tous ceux que nous aimons. Pourquoi tant de haine et autant de trahison? Tant de peine et trop de jeunes en prison. Chacun a sa part. Des fois tout le monde a son mal-être. Et on se rejette la faute. Même à